Louis Pergaud. Les rustiques. Nouvelle villageoise. 1921. Préface de Lucien Descaves. Pergaud, le rustique. Quand Louis Pergaud arrivait chez moi le dimanche, j'avais l'impression que l'on ouvrait une fenêtre. L'air entrait avec lui, un air salubre et vif, qui sentait la terre et les feuilles, l'herbe mouillée et les sapins. Il avait beau être vêtu comme vous et moi, il m'apparaissait en costume de chasse, et son chien Miro l'attendait en bas. Il apportait son pays, la Franche-Comté, à la semelle de ses gros souliers. Il avait le parler rude, le regard franc, la poignée de main cordiale. Il détestait le mensonge, les détours et les manigances. Il appelait par leur nom les gens et les choses. Il savait haïr, mais comme il aimait. Je fis sa connaissance grâce à Mademoiselle Louise Red, la dévouée par excellence, que son cœur n'égara jamais, puisqu'il la conduisit chez Barbet de Revilly, chez J.K. Huisman et chez François Copé, entre autres. Louis Pergaud, qui venait de publier « De Goupil à Margaux », était encore à cette époque instituteur. Enfin, l'homme en proie aux enfants. Il avait ceci de commun avec Louise Michel, qu'il aimait mieux les bêtes que les gosses. J'ai cru longtemps qu'il n'avait pas raison. Je crois à présent qu'il n'avait pas tout à fait tort. Les gosses sont souvent plus dangereux que les bêtes ou sont nuisibles. Bref, Pergaud n'avait rien d'un maître d'école. On le voyait plutôt le fusil de chasse que la férule de classe à la main. Le prix Goncourt, en 1910, l'émancipa. Avec quelle joie naïve il le reçut! Une dame de vie heureuse manifesta son raffinement de lettré, ma chère, en disant que le livre du petit instituteur primaire était écrit avec un manche de pioche. Justement, ce manche de pioche nous avait séduits parmi les plumes d'oie. Quoi? De la paille et de la terre humide qui restent au fer de la pioche valent bien le cheveu au bec de la plume. Il s'agissait pour le petit employé à la préfecture de la Seine de conquérir une seconde fois son indépendance, car il n'avait qu'un mois de congé par an, et c'est peu pour un compteur rustique. Pendant 11 mois, il rongeait son frein. Il avait bien emporté sa pioche à écrire, mais la bonne terre natale et tout ce qui l'anime lui manquaient pour travailler allègrement. Chaque année, au retour des vacances, il vidait son carnier, en retirait successivement la revanche du corbeau, la guerre des boutons, Miro, chien de chasse. Il faisait ainsi durer le plaisir longtemps, le plaisir de prolonger, par la pensée, l'existence d'un mois au grand air. Il aspirait au succès beaucoup moins par esprit de lucre que pour réaliser le rêve de vivre la plupart du temps à la campagne de son métier. Il n'était pas, somme toute, le plus à plaindre. Il songeait à son ami Léon Deubel, franc-comtois comme lui, au poète mort jeune de misère et d'épuisement. Mais l'homme d'action réveille à chaque instant les songeurs de cette forte espèce, et Louis Pergaud ne s'attendrissait sur le camarade disparu que pour réunir son œuvre dispersée et la publier. Pergaud, chien de chasse lui-même, suivait par la plaine et par les halliers les traces de la perdrix grise aux plumes qu'elle y avait laissées. Si la guerre en surprit un, vous pouvez dire que ce fut celui-là. Le 2 août, il m'écrivait « Demain lundi, je pars pour Verdun et je viens vous dire au revoir. Vous savez si je hais la guerre, mais vraiment nous ne sommes pas les agresseurs et nous devons nous défendre. C'est dans cet esprit que je rejoins mon corps. Paris a été digne et grave. Hier soir, je voyais des femmes et des gosses accompagnant le mari qui allait partir et j'étais saisi de rage contre les misérables qui ont préparé et voulu l'immonde boucherie qui se prépare. Tant pis pour eux si le sort nous est favorable. Je vous embrasse. Sergent, 29e compagnie du 166e d'infanterie. » Je courus chez Pergaud, rue Marguerin. Il venait de partir, je ne l'ai pas revu, mais il me donnait souvent de ses nouvelles. Il m'en donnait encore lorsqu'il n'avait plus que quelques jours à vivre et qu'il se savait condamné. Il avait l'esprit de corps, se mobiliser antimilitariste. Il m'écrivait le 13 mars 1915 « Notre 166e est un régiment des plus solides et des plus vaillants. Ça a été un des piliers de la défense de Verdun. On y trouve pas mal de Parisiens, des gens de la Meuse et de Meurthe-et-Moselle, et beaucoup de mineurs du Nord et du Pas-de-Calais. Ce sont de vrais poilus qui ont du mordant, de l'entrain et de l'esprit parfois, souvent même. » Fin de l'extrait du courrier de Pergaud. Il me citait leurs mots, les plaisanteries grasses dont l'auteur de la guerre des boutons s'amusait. Il avait un bon colonel, père d'un jeune confrère qui débutait dans la presse. D'autres chefs lui témoignaient leur estime, parmi lesquels M. de Moreau Giaferi. Je lui avais demandé de me désigner les hommes de sa compagnie, la deuxième, qui ne recevait aucun colis. Il m'envoya les noms d'une quinzaine d'entre eux, et 8 jours avant sa mort, au lendemain de 2 attaques meurtrières, il me rassurait sur leur compte. C'était au mois de mars 1915. Il venait d'être nommé sous-lieutenant, et déjà quelques-unes de ses illusions s'étaient dissipées, mais sans amoindrir sensiblement, comme on va le voir, son bloc moral. Vous savez avec quelle ardeur je suis parti, me disait-il dans une de ses lettres. Pacifiste et antimilitariste, je ne voulais pas plus de la botte du Kaiser que de n'importe quelle botte éperonnée pour mon pays. Je défendais ce vieil esprit pour lequel il me semblait avoir déjà combattu par la plume. J'étais disposé à oublier tout, à passer sur tout, persuadé que dans le danger, tout s'effondrait. Je me battrai, certes, avec la même énergie qu'auparavant, mais si j'ai le bonheur d'en revenir, ce sera, je crois, plus antimilitariste encore qu'avant mon départ. C'est dans la souffrance, dans la promiscuité douloureuse, que l'on découvre bien les bas-fonds de l'âme humaine avec ses recoins de crasse et d'égoïsme, et j'ai pu jeter la sonde dans bien des cœurs. Mon Dieu, il y a du bon, évidemment, et rien n'est désespéré. Mais les hauts comme les bas ont leur saleté. Que doit être l'Allemagne militariste? Quel gigantesque fumier! Quelle pourriture morale! Allons-y jusqu'au bout, et je tombe à tout ça. Je crois vraiment que c'est l'œuvre de 93 que nous continuons. Dommage qu'il ne suffise pas d'avoir du cœur au ventre pour triompher. Fin de l'extrait du courrier de Pergaud. Il écrivait cela au crayon, sur ses genoux, dans la cloaque des tranchées. Et le crayon faisait ce qu'il pouvait pour grincer comme une plume en traçant encore ceci. Je voudrais que les salauds qui parlent du confort des tranchées et qui donnent aux patriotes en chambre des photos truquées de tranchées d'opéra comique fussent obligés de passer 24 heures devant Marchéville, dans les marais de la Voëvre, que nous occupons. La tranchée est un ruisseau avec quelques îlots où l'on s'agrippe en naufragé. Ces îlots sont de la boue sur laquelle on pose des claies qui s'enfoncent peu à peu. Pour établir des abris, il faut exhausser le plancher, si j'ose dire, et l'on doit rester plié en deux là-dessous, trop heureux encore qu'il y ait de la place. Malgré cela, pas de grave maladie. Les hommes, dès qu'ils voient un quart de vin et quelques brins de paille sèche, reprennent courage et bonne humeur. Fin de l'extrait du courrier de Pergaud. Nous rapprochons de la fin pour Pergaud. La lettre suivante est datée du 22 mars 1915. Je viens de vivre quelques journées inoubliables. Le 19, on nous a lancés à l'assaut de tranchées Bosch, formidablement retranchées, sur lesquelles l'artillerie, malgré une bousillade furieuse, n'avait aucun effet. J'ai vu tomber à mes côtés quantité de braves dont le sacrifice héroïque méritait mieux que ça. Au demeurant, c'était une opération stupide à tous les points de vue, mais il fallait sans doute une 3e étoile au con sinistre qui commande la division de marche et qui a nom B2M. Je vous donne là l'opinion de tout le régiment, qui sans rien dire a obéi comme il devait, se faisant hacher par les mitrailleuses et les marmites. Comment ai-je pu passer au travers? Je l'ignore, mais je n'oublierai jamais ce champ de bataille tragique, les morts, les blessés, les mares de sang, les fragments de cervelle, les plaintes, la nuit noire illuminée de fusées, et le 75 achevant nos blessés accrochés au fil de fer qui nous sépare des lignes ennemies. Ça va recommencer demain, mais on ne passera que sur nos cadavres. Je suis aussi sûr de mes poilus que de moi-même. Fin de l'extrait du courrier de Pergaud. À sa femme, Pergaud écrivait, à la même date, la même chose. 19 mars. Nous recherchons nos blessés. On est en admiration devant nous. N'empêche qu'il y a 111 morts, 15 blessés et autant de disparus. Et pourquoi? Pour que le con sinistre qui a nom B2M ait sa troisième étoile. La prise de Marcheville ne signifie rien, rien. Il est idiot de songer à prendre un village et des tranchées aussi puissamment retranchées avec des effectifs aussi réduits que les nôtres. Nos poilus fussent-ils des lions. Ce soir, la première compagnie seule doit recommencer l'opération. C'est ridicule et odieux. Et le 75 nous tape dessus, achevant nos blessés. 20 mars. Nous mangeons un peu et nous nous couchons. On parle de la folie dangereuse de B2M et des camarades morts. 21 mars. Conversation avec les capitaines L, V et P. Ce soir, on se réunit pour chasser le cafard et on plaisante les crétins de la division de marche qui vous envoie à la mort et qui se terrent, eux, au moindre danger. Fin de l'extrait du courrier de Pergaud. Le drame est-il assez saisissant dans la nuit lugubre sous ce ciel d'encre que perce la troisième étoile? Que dites-vous de ce B2M qui doit absolument faire quelque chose pour appeler l'attention sur lui? Qu'à cela ne tienne, il n'a pas comme Napoléon 100 000 hommes de rente. Mais il jouit tout de même d'une certaine aisance, avec une compagnie à dépenser par jour. Pourquoi se gênerait-il, du moment que des illuminés comme Pergaud s'imaginent continuer 93? La dernière lettre que je reçus de Pergaud est du 3 avril. La vieille vie, disait-il, a repris jusqu'à, peut-être la semaine prochaine. Je devine autour de notre secteur une activité formidable et des mouvements de troupes rassurants. Mais quelle vision de notre dernier engagement! Un de nos médecins auxiliaires, en plein jour et protégé par son seul brassard, est allé ramasser nos blessés jusque devant les tranchées ennemies, à 6 pas des Boches qui n'ont pas tiré. Vous dire notre émotion à nous? Que de fois n'ont-ils pas fusillé, à bout portant, nos majors et nos brancardiers? Aussi de la journée, plus une seule cartouche n'a été tirée, d'un côté comme de l'autre. Fin de l'extrait du courrier de Pergaud. C'était trop beau pour durer. 4 jours après, le 7 avril à 8 heures du soir, l'ordre arrivait de partir immédiatement pour Fresnes en Voëvre, par une pluie battante. À Fresnes, la compagnie, rassemblée au pied de la statue du général Marguerite, recevait l'ordre d'attaquer la côte 233 à 2 heures du matin, et l'on se remettait en marche à travers des marais, avec de l'eau jusqu'aux genoux. À 2 heures exactement, Pergaud et les hommes de sa section, la première, sortaient de la tranchée de départ. La deuxième section était commandée par le sergent Louis Després, qui a raconté ainsi l'affaire. Il faisait une nuit très noire. Quand les assaillants arrivèrent à proximité du réseau, la fusillade commença à crépiter. Sous les balles, nous entraînâmes nos hommes jusqu'au fil de fer. Mais là, ils trouvèrent le réseau intact, impossible de passer. Trempés par la pluie, ils avaient perdu la direction et obliqué hors du secteur préparé par le génie. Les hommes à leur chef tentèrent de se frayer un chemin quand même à travers l'entrecroisement barbelé. Mais ils offraient une cible trop facile et ils finirent par prendre le parti de se coucher et d'attendre. Aux premières lueurs du jour, ils reçurent l'ordre de se replier. Le sergent Després fut frappé d'une balle au moment où il rassemblait ce qui lui restait de sa section. Les débris de celle de Pergaud rentrèrent seuls. Notre brave ami avait disparu. On croit qu'il a voulu traverser le réseau et qu'il a été fait prisonnier dans la tranchée ennemie. Il se trouvait, au moment de l'attaque, à 35 mètres du pont Saint-Pierre, à droite en allant de Marcheville à Sceaux. Fin du témoignage du sergent Louis Després. Ces détails me sont confirmés par Maître Raveton, l'avoué parisien qui était au 166e, avec Pergaud, depuis le début de la guerre et qui prit part à l'attaque du 8 avril. Témoignage de Maître Raveton. Après avoir franchi 2 rangs de fil de fer dans lesquels l'artillerie avait fait des brèches, nous nous sommes trouvés en face d'un 3e rang de fil que l'artillerie avait laissé intact, à quelques mètres de la tranchée. L'alarme a été rapidement donnée chez les Boches. Aussitôt, un feu d'artifice nous éclairait, comme au 14 juillet, et une fusillade nourrie nous démolissait. C'était fini. Il n'y avait plus moyen de rien faire. Ordre a été donné de se replier. Au petit jour, la fusillade ayant un peu diminué, l'ordre put être exécuté. Mais nous laissions beaucoup de monde sur le terrain, beaucoup de blessés notamment, qui furent faits prisonniers. J'ai eu des nouvelles d'un de mes camarades qui est mort en captivité. Je n'en ai jamais eu de Pergaud. Il est tombé. Des hommes l'ont vu et pensaient qu'il était blessé au pied. Il commandait, à ce moment-là, en avant, à sa section. Cette attaque se passait sous la pluie, une pluie qui ne discontinuait pas depuis 8 jours, et le terrain était un vrai marécage où l'on enfonçait jusqu'à la ceinture. Fin du témoignage de Maître Raveton. On a cherché partout Pergaud, et n'est-ce pas le chercher encore que d'écrire sur lui? Et à force de le chercher, ne finira-t-on pas par le retrouver tout entier dans ses livres qu'on relira, dans sa correspondance à publier, dans l'amitié qui se souvient de son commerce avec lui? Tout entier, non, à moitié seulement. Pauvre cher Pergaud, je ne reverrai plus, le dimanche, dans l'encadrement de la porte, son visage mâle et pâle, ses yeux noirs, sa maigre moustache, sa mèche rebelle qui balayait son beau front, sa main tendue, l'élan de sa personne et de son cœur. On peut toujours pousser la porte, mais la fenêtre fermée, il ne l'ouvrira plus en entrant. Lucien Descaves.